l'habitude, cultiver ça qui mauvais. Si pays là à l'envers, ça qu'a continué en même trip là. Personne pas aimé personne, pas qu'à respecter personne. Ni homme de qui pète la foi, yo aïra chercher la manche au foie. Loco, loco.